L'escargot, il passe en maison. C'est son dos. Il se fait écraser quand même. On le mange. Je suis en train de parler sur le disque. Eh bien, clairement, on leur dit, par l'unité de notre camp, qui doit être le plus large possible, contre la répression et pour la défense de nos revendications, on va gagner cette grève. Mais pas juste cette grève. Pas juste cette grève. On va gagner face à la politique. Vous écoutez A Centrale. Emparons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, de motivation. Vous êtes devant moi pour avoir le 30 décembre outragé par parole des agents de la force publique. En espèce, il y avait deux gendarmes à qui vous avez dit « sale bâtard, je vous tuerai » et d'autres choses agréables, j'ai préféré résumer. Envoyez-nous des sons à allo@acentrale.org. Partage tes infos sur la radio A Centrale au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur A Centrale, 24e émission. Eh oui, déjà. Yeah. On est ensemble à distance avec pas mal de monde en plateau. Il y a qui ? Il y a Aude, il y a Juliette. Yes. Des invités surprises passionnants qui vont arriver bientôt dans notre petit flux. On est en direct sur vos ondes, chers amis, chers camarades, jusqu'à 21h. On a commencé à midi, donc une belle antenne aujourd'hui de 9h. On terminera, nous, pour notre part, on va faire jusqu'à 18h. Et puis ce sera les camarades de Nantes et de Talensac qui prendront la suite. On est en ce moment sur les ondes de Pinode en DAB+, à Mulhouse. Mulhouse qui accueille également les ondes de MNE. Merci MNE sur 107.5 en FM. On est sur l'écho des Garrigues à Montpellier 88.5. Vous nous écoutez peut-être dimanche sur FPP 106.3 fréquence Paris pluriel. Et on est relayé sur plein de flux à travers les internets chez nos camarades de Piquet, de la Parole Errante et de l'écho des Cabanes, pour n'en citer que quelques-uns. J'oubliais le camarade de Web Radio Principale, Radio Campus France. La Centrale, donc ce collectif de radio qui participe au mouvement social en ouvrant ses canaux radiophoniques aux voix de la lutte. Donc l'idée, c'est que vous pouvez nous appeler pour passer en direct à l'antenne. Le numéro, c'est le suivant, 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Voilà, vous pouvez soit passer en direct, soit laisser un message sur le répondeur qu'on se fera un plaisir de passer dans la foulée. On a également une boîte mail, allo@acentrale.org. allo@acentrale.org. Vous pouvez nous envoyer des sons sur cette adresse mail et pareil, on les envoie dans la foulée. N'hésitez pas, si vous faites partie des livreurs, des caissières, des ouvriers, des postières, des soignants, des cuisiniers, des femmes de ménage, des conducteurs de bus et de métro, des manutentionnaires, des techniciens et techniciennes EDF-GDF, des pompistes, des buralistes, des SDF, des prisonniers qui sont en galère en ce moment, bah, essayez de nous passer un petit coup de fil ou en tout cas de relayer une parole qu'on se fera un devoir de relayer ici. On est là pour vous et pas pour donner un point de vue. En tout cas, ouais, voilà, ça fait plaisir de pouvoir entendre un petit peu ce qui se passe en ce moment et d'avoir un petit peu des nouvelles de toutes les personnes sur lesquelles les conditions sanitaires appuient particulièrement, c'est-à-dire les personnes forcées de travailler et les personnes déjà extrêmement précarisées dans la rue ou alors les personnes enfermées. Yeah, ben ça c'est de l'intro péchu, Nico. Ça fait plaisir, carrément. Et ben aujourd'hui on va parler justement, on va parler de trucs péchus parce que on va consacrer ce plateau à la question de l'auto-organisation. L'auto-organisation c'est quoi ? Ben c'est l'idée que on va pas tout attendre de l'État, que et encore moins du privé, que ce soit en période de coronavirus ou en temps normal. Et que là, on voit bien en fait que s'organiser nous-mêmes, tisser des solidarités nous-mêmes, de l'entraide concrète, c'est vital en fait. C'est ni plus ni moins que vital. C'est une question de vie et de mort pour beaucoup de monde. C'est une question de bien-être pour beaucoup de monde également. Je parle bien-être pour dire quand c'est pas de vie et de mort, c'est aussi une question très importante. Et du coup, on va faire tout le plateau, on va consacrer un peu tout notre plateau pendant 2 heures à cette question-là de l'auto-organisation. On va parler, pour vous faire un petit sommaire très rapide, on aura un entretien avec la Brigade solidaire de Montreuil et avec des camarades du réseau d'entraide et de solidarité de Rouen. On va parler donc longuement avec ces 4 personnes. Ensuite, on reviendra sur la question de la grève des loyers, du revenu de confinement. On parlera de la situation des SDF. On aura un petit entretien avec l'avocate rouennaise Chloé Chalot, qui a longtemps défendu les gilets jaunes et qui en ce moment, faute de manif, eh bien, va défendre des SDF qui se prennent des amendes abusives. Et on parlera de tout un tas d'autres choses. On a plein de petits sons dans nos valises à vous passer. Et là, pour introduire... Les nouvelles de ce qui se passe en France aussi, plein de brèves qui donnent la rage. Ouais. Et donc là, pour introduire la question de l'auto-organisation, je voudrais revenir sur un article que j'avais évoqué ultra rapidement la dernière fois, dans la dernière antenne de samedi dernier, qui pour moi, en fait, donne bien le ton de comment on se situe, en fait, politiquement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un article qui est paru dans la revue mouvement.info, mouvement au pluriel, qui s'intitule « Covid-19, faites le CARE, pas la guerre ». Le CARE, c'est le mot anglais qui désigne le soin, l'attention aux autres. Et je vous cite juste 4 lignes de cet article de Nicolas Heringer. Il dit « Je voudrais proposer quelques pistes dans le contexte particulier de la pandémie en cours. L'hypothèse que je voudrais formuler, c'est que le soin devrait être au cœur de nos stratégies, de nos mobilisations, de notre organisation, comme de nos organisations. La question du soin, la révolution, c'est pas la guerre, c'est le CARE. » Et je trouve ça très bien, en fait, d'aborder cette question-là de cette façon-là. On voit bien, en fait, que les personnes qui sont considérées comme essentielles, les salariés ou les auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, toutes les personnes qui sont considérées comme essentielles, y compris par l'État actuellement, dont le travail est maintenu, ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se situent dans le CARE, que ce soit dans le soin, dans les soins médicaux aux personnes, dans les soins aux personnes vulnérables, dans le fait de fournir de la nourriture, ce qui relève très clairement du CARE, tout ce qui fait que sans ça on ne peut pas vivre quoi. Je trouve ça super important aussi d'aborder cette question-là de cette manière-là, parce que c'est aussi se réapproprier le langage et envoyer balader la rhétorique guerrière que nous servent Macron et consorts depuis le début avec nous sommes en guerre. Il avait même, il y a tout le gouvernement qui s'emparait de cette rhétorique, puisque Castaner a parlé d'alliés de guerre, Pénicaud a parlé des défaitistes, j'imagine que c'est nous, le ministre de la Culture a parlé de l'armée de l'ombre, L'armée des champs aussi. Et Médor Philippe pour qualifier une livraison de masques en provenance de la Chine qui a parlé de pont aérien. Donc ouais, cette rhétorique qui est présente partout. Voilà. Je pense derrière c'est la mise au pas du peuple français, au lieu de faire appel à son intelligence, c'est l'idée qu'il faut obéir sans réfléchir. Et même au-delà de ça, en fait, dans toute la manière de définir l'épidémie et comment on y répond aujourd'hui, il y a le confinement qui est un peu un terme un peu militarisant. Il y a les gestes barrières. Il y a la distanciation sociale que je trouve vraiment atroce comme terme, parce que pour moi, en fait, c'est le capitalisme fait de la distanciation sociale depuis des décennies et il l'a accrue de manière permanente, cette distanciation sociale. Et aujourd'hui, il a tellement déstructuré en fait les sociétés qu'il réussit à que cette atomisation devient en fait dangereuse en fait pour nos vies. Et du coup, je trouve ça super important de redéfinir les termes qu'on va employer. Par exemple, pour moi, la distanciation sociale, c'est pas ça. En fait, on fait de la protection mutuelle. Si jamais je mets un masque et que la personne en face de moi met un masque, en fait, on se protège mutuellement. On n'est pas en train de se mettre une distance sociale entre nous deux. Si jamais on doit rester à la maison et on doit respecter Le fait de croiser un petit peu moins de monde in vivo dans la rue, si on peut se le permettre, en tout cas, si on n'est pas si on n'est pas réquisitionné pour le travail et si on n'est pas engagé dans des brigades comme on va entendre tout à l'heure, si on peut rester à la maison, on y reste. Mais pareil, c'est pas de la distanciation sociale, c'est de la protection mutuelle, c'est le fait de comprendre qu'on fonctionne comme un groupe, qu'on est interdépendant, interdépendante, et qu'il s'agit de prendre soin des autres et pas que de sa gueule parce que on a 30 piges, on a 40 piges et que le virus il fera rien sur nous et on s'en fout. Et donc je trouve ça super important de redéfinir tous ces termes-là. Ça rejoint d'ailleurs aussi un peu l'appel qu'ont lancé les copines de Radio Moscou quand elles parlaient d'organiser une manif en confinement, de trouver des nouveaux slogans, de trouver des nouveaux termes. Comment est-ce qu'on parle en fait de nos luttes dans le confinement ? Parce que ce confinement n'arrête pas les luttes. Comment on redéfinit notre façon de faire société à l'intérieur du confinement ? Voilà. Et comment et on tisse des choses qui peuvent servir pour après, puisque les moments de lutte, ça a été toujours, ça a toujours été aussi un moment dans lequel il y a des manières de travailler qui se mettent en œuvre, hein, qui se mettent en place. Nous, par exemple, à la centrale, c'était une des idées de base. Comment on va mutualiser des énergies, comment on va apprendre à travailler ensemble. Et c'est dans tous les endroits de la lutte, c'est ça qui se passe aussi. Comment on prend une décision, comment on organise une réunion, comment on met en œuvre une action. Et là, c'est vrai que du fait du confinement, il y a cette difficulté supplémentaire. Nos modes de travail habituels, qui sont liés à une présence physique ensemble, sont abîmés, quoi. Donc oui, effectivement, comment on peut en ce moment continuer à tisser des choses qui vont nous servir pour maintenant, mais aussi pour après. Et pour parler, commencer à parler peut-être plus concrètement, moi je suis à Sotteville-lès-Rouen et il y a notamment il y a des centres médicaux qui ont été montés à l'initiative de médecins, de soignants, et pas du tout à l'initiative de l'État. Et elles se sont créées dans les villes en périphérie de Rouen ou à Rouen même. Et ça, je trouve ça une belle. Je trouve que ça fait partie en fait d'un mode d'auto-organisation, de recréer des centres sociaux, des centres médicaux. Par exemple, à Toulouse aussi, il y avait eu pendant super longtemps une très belle maison de santé. Alors, je ne sais plus trop quelles sont les nouvelles de cette maison de santé. Je sais qu'elle a dû lutter ardemment pour se maintenir pendant très longtemps. Mais l'idée d'avoir des maisons de santé, l'idée d'avoir des maisons sociales, des centres sociaux autogérés, l'idée d'avoir des cantines populaires, tout ça est en train de revenir, mais comme une évidence, en fait, comme une évidence radicalement essentielle en ce moment. Et Nico, je crois que tu voulais parler d'une initiative aussi à Marseille. Ouais, ce qui se joue en ce moment, c'est quand même... On m'a dit de monter mon micro, donc vous me dites si je suis trop fort. Ce qui se joue quand même en ce moment, c'est qu'on n'a pas confiance, en fait, dans le gouvernement. Et qu'il le sait bien, et c'est pour ça qu'il essaye de nous mettre au pas. Donc, effectivement, les initiatives spontanées, auto-organisées, pour moi, sont celles dans lesquelles, j'ai envie de dire, c'est les initiatives du peuple sont celles dans lesquelles on va avoir le plus confiance en ce moment. Il y a effectivement une histoire qui est assez belle. Il y a les travailleurs du McDonald's de Saint-Barthélemy qui est situé dans les quartiers nord de Marseille qui ont réquisitionné leur McDo en fait. Donc ça, on l'a vu dans la grève aussi. C'était quelque chose de très important, la réquisition des outils de travail par les travailleurs, de ne pas avoir des patrons, des dirigeants, des gouvernants, des gouvernantes, des personnes qui décident toujours pour à la place des personnes qui sont impliquées. Et donc là, ils ont décidé de réquisitionner ce McDo. Alors il a ce site particulier que ce McDo était fermé depuis le 12 décembre, qu'il était en liquidation judiciaire. Et donc un militant syndical de Marseille a proposé à McDonald's de l'ouvrir. Il a envoyé un courrier officiel, donc pas d'ouvrir le McDonald's en tant que tel, hein, pas de faire du nuggets, mais de pouvoir utiliser les appareillages techniques comme la chambre frigorifique ou les fours. Et McDonald's a bien sûr refusé. Je cite le militant: dans cet état d'urgence, si l'on n'est pas acteur pour nos quartiers, qui le fera? Il y avait non assistance à personne en danger. Donc il a demandé à McDonald's France l'autorisation d'utiliser le restaurant pour une opération humanitaire à caractère urgent, sans résultat. Et l'avocat des anciens salariés du McDo, en liquidation, a précisé: pourtant même le liquidateur judiciaire était d'accord, ils sont dépourvus de la moindre parcelle d'humanité, les travailleurs ont donc décidé de passer outre. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils font une collecte auprès des commerçants, des habitants et de la banque alimentaire du quartier, qui est stockée dans la chambre froide du McDo. Et ensuite, ils assurent là, à cet endroit, la préparation de différents repas. C'est des espèces de paniers repas, en fait, qui sont de quoi tenir deux, trois, je cite à nouveau, deux, trois jours, matin, midi et soir, pour une famille de quatre. Donc, c'est ces paniers repas qui sont directement distribués au bas des halls d'immeubles ou devant les appartements des gens. Voilà. Et donc, toute l'équipe impliquée respecte les mesures sanitaires nécessaires, c'est-à-dire utilise des masques, des gants, des désinfections de produits et tous les gestes nécessaires au ralentissement de la propagation du virus. Donc voilà, moi je trouve ça que c'est un bel exemple en fait de comment on s'affranchit du capitalisme. Il y a un outil de production qui ne sert plus à rien pour des raisons qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire des outils législatifs qui sont en capacité de ces multinationales. Le resto est fermé, ne sert plus à rien. Ils refusent évidemment qu'il soit utilisé par les anciens salariés, c'est-à-dire qu'ils connaissent les lieux pour une action humanitaire d'urgence, c'est-à-dire nourrir des gens en situation de difficulté. Et merci au courage des personnes qui sont emparées de ce restaurant pour assurer l'approvisionnement des personnes en difficulté en ce moment. On passe peut-être un petit son avant de faire le plateau. Tout à fait, tu l'introduis ? C'était quoi déjà ? Ah ouais, c'est un son de Rémi Cerda. Qu'il a fait pour Le Grain des Choses. Le Grain des Choses, c'est une revue sonore en ligne. Graindeschoses.org, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de regarder en même temps. Voilà, graindeschoses, choses au pluriel.org. Et ils ont fait un appel à contribution pendant cette période de confinement. Et donc, Rémi Cerda, il a fait un petit son qui dure 5 minutes et je peux vous retrouver son titre si j'y arrive. Tant qu'on sera 3 ou 4. Voilà, tant qu'on sera 3 ou 4 et qui nous met bien. La période de confinement, elle n'est pas séparée de la période précédente, elle n'est pas séparée de la période qui va suivre. Elle est prise en fait dans un tissu qui est déjà là de lutte sociale. C'est parti, on se retrouve dans 5 minutes. N'hésitez pas à nous appeler 09 50 39 67 59. Le toit. Ici, c'est celui de la camionnette d'un syndicat, le 5 mars dernier, à Marseille, écrit Rémi Cerda. Juché sur le véhicule, torse nu et un bonnet vert sur le crâne, un homme avec un micro. Allez, lèvez-moi, c'est pas fini, on est qui se souvient seulement qu'il y a encore 2 ou 3 semaines, avant les appels à l'union sacrée et les métaphores martiales, les rues étaient pleines de nos chants, de nos cris, de notre colère depuis tant de mois. Qui s'en souvient ? Les rues elles-mêmes s'en souviennent-elles, ces rues marseillaises bouillonnantes d'un cortège euphorique, en ce jeudi 5 mars, déjà si lointain, presque irréel ? Elle est là, la colère. Chaude hier, froide et sèche aujourd'hui, mais toujours là. Chaque phrase, chaque slogan d'alors deviennent plus cinglants aujourd'hui. Et puis, quand tu as nos services, je Ensemble, jusqu'au bout, on lâche rien, tant qu'on sera trois ou quatre. À bon entendeur. Thank you.